Parler de ces accords d'Évian, il faut d'abord parler de l'historique. C'est comme ça qu'on peut comprendre cela. Parce que si on prend les textes et qu'on commence à les analyser comme ça, à froid, on ne comprendrait pas grand-chose. Alors, il faut dire que lorsque De Gaulle est arrivé au pouvoir, en 1958, une des premières préoccupations, c'était naturellement la solution du problème algérien. Et dès le 23 octobre 1958, il venait à peine de s'installer, n'est-ce pas, il a lancé la paix des braves, où, tout en changeant de style par rapport à la 4e République, il parlait pour la première fois du courage des Algériens, il rendait hommage aux combattants algériens, etc. C'était quand même un langage nouveau. Il comprenait les motivations des Algériens qui combattaient. Mais en même temps, il leur demandait, maintenant, je suis là, le général de Gaulle est là, il va régler le problème, faites-lui confiance. Alors, vous avez combattu, vous êtes des gens courageux, mais maintenant, c'est terminé, on va trouver la solution. Je vous demande tout d'abord de cesser les combats. Donc, c'est ce qu'il a appelé la paix des braves. Et il a dit, la sagesse guerrière disait à l'époque que pour régler des problèmes comme ça, on sort le drapeau blanc des parlementaires. Bon, ça, naturellement, cela a choqué l'armée de libération nationale qui combattait pour l'indépendance. Ça a été traduit comme une sorte de monde de reddition. Ça, naturellement, ça a été rejeté. Par la suite, nous avons eu notre appel du général de Gaulle. C'était pour demander à ce qu'on vienne discuter. Alors, de la paix des braves, il est passé un peu ce que j'appellerais au cessez-le-feu concerté. Il demande d'abord un cessez-le-feu inconditionnel, ensuite il dit, bon, faisons le cessez-le-feu, mais alors discutons du cessez-le-feu. C'était en novembre 59. Analyse du contenu de ces accords, vu du côté algérien, par le même Reda Malek.